les amigos. Oui. Mais franchement, vous me connaissez. Dans la... Je suis quelqu'un qui a une morale. Oui. Non. Je dis pas que ça se voit. Je dis pas que je dois de l'argent à personne. Mais non, je dis pas ça. Mais c'est vrai, j'ai une morale. Genre dans le bus, je laisse toujours ma place aux vieilles personnes. Et j'attends encore mon merci, Daniel. Hein. La prochaine fois, je vous laisse debout avec votre caddie. Il y avait un loubar, il voulait lui voler son paquet de rognons. Si j'interviens pas, bonne chance pour faire son barbecue avec Hugo Clément. Enfin bref, pourquoi je vous parle de morale? Parce qu'en ce moment, je me pose la question qu'on se pose tous. Quoi? Pourquoi la capitale d'Australie, c'est pas bêtement Sydney? Non, pas cette question-là. Une autre question. Moi aussi, j'avoue que Sydney, franchement, serait plus facile pour tout le monde. Canberra, personne connaît, on sait même pas c'est où. Non, mais non. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que j'essaierai pas de me faire vacciner en scred? Non. Ouais, comme tout le monde, c'est vrai, tout le monde faisait. Moi, avant mon tour, en tout cas, moi j'ai un pote par exemple, et bah, il a réussi à se faire vacciner contre le Covid. Alors franchement, il est mannequin poumon. Il a les plus beaux poumons de Franche-Comté, il n'est pas prioritaire, il a 11 ans et demi. Un vrai petit prodige dans le milieu de l'organe. Et bah, lui, il a pu se faire vacciner via une connaissance dans le médical. Il m'a dit: Ernesto, fils d'une louve et d'un gigot d'agneau, trouve-toi un plan vaccin. Je lui ai dit: je t'arrête tout de suite, Maurice, je mange pas de ce pain-là. Celui-là, alors, ça a deux poils sur le périnée et ça prend la confiance. Oh, non. Mais non. Il n'a pas tout à fait tort. Je pourrais trouver un plan vaccin. J'ai 60 000 abonnés sur Insta. Je suis sûr que dans le lot, il y a forcément quelqu'un qui a une aiguille à disposition. C'est comme ça qu'il a fait Nagui. Hein. Nagui, il a fait une story pour dire: j'ai changé un vaccin contre une place dans le public, taratata. PS pour deux doses, ça droit à un duo dans l'émission. Vous verrez, dans un mois, on a Lara Fabian featuring un pneumologue. Je comprends, Nagui flippe. Il a déjà eu le Covid. Il n'a jamais vraiment retrouvé le sens de la question courte. Mais il y a plein de combines pour se faire vacciner sans être prioritaire. La plus simple, tu peux faire croire que tu as plus de 80 ans. T'arrives au centre de vaccination avec un t-shirt I love Vincent Perrault. Hein, tu dis: attends, quelqu'un, regardez 40 degrés à l'ombre. Et ils te prennent en urgence, c'est sûr. Hein. Sinon, t'essayes via doctolib.fr. Moi, j'ai un pote qui vient de se marier avec la community manager. Bon, il n'est pas amoureux ni rien, mais il a trouvé un créneau. Quoi. Pareil sur Tinder, ça marche à fond. Tu mets Denis, 53 ans, vaccine si affinité, et tu kennes. Hein. Ah, beden, pas beden, oh, tu kennes. Tu kennes, beden. Ben ouais, c'est vrai. Moi, j'hésite à me faire vacciner en secret. Déjà, de 1, parce qu'en règle générale, je déteste les gens qui attendent pas leur tour. Moi, je fais partie des gens qui te dénoncent si t'as 11 articles à la Caisse Express. D'office, ah ouais, je te lâche pas. Je fais un thread sur Twitter, ça part à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est sûr, je déteste les passe-droits. Même si j'avoue qu'ici, les enjeux de la vaccination sont différents. À Paris, il y a plein de gens qui ne se présentent pas. Quoi. Ils recrutent des candidats pour pas gaspiller les doses, ils vaccinent les pigeons. Il y a eu 9-4 thromboses de pigeons. Si tu vois un pigeon se jeter sur une vitre, c'est AstraZeneca. C'est sûr, mais du coup, c'est pas vraiment de l'égoïsme de trouver un plan sans être prioritaire. Pour prendre une image, si en voiture tu dépasses tout le monde au feu rouge, mais que ça fluidifie la circulation, c'est tout bénef. Pour la société. Je suis pas peu fier de cette métaphore. Je l'ai eu pour rien sur le bon coin des métaphores. C'est là que j'ai trouvé la blague suivante. Le vaccin Pfizer, tu le sors du frigo, il tient 24 secondes. On dirait Jérémy Crédville quand il pine. 60 centimes, j'ai eu celle-là sur le bon coin des blagues. Mais ça m'apprendrait être radin. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'en Belgique et en France, il y a eu des applis qui sortent pour mettre en relation les centres qui ont des doses non utilisées et les gens lambda qui veulent se faire vacciner. Donc peut-être je vais tenter ma chance. La semaine prochaine, si je viens sans masque, que vous me voyez zouker qu'un fémur, hein, que pour dire bonjour, je lèche une paupière, voilà, c'est que j'ai été pris. Allez, bonne émission. Bravo. Thank you.